De balles aphrodisiaques. Si chacal. Ouais. J'ai l'attitude qu'il faut, se passe sans que personne ne pose de questions. Parce que certaines choses doivent se faire discrètement, sans soupçon. Discrètement, sans soupçon. Si le silence pèse, ceux qui se taisent tirent avantage de la situation. Si le silence te pèse, mets-toi à l'aise, laisse les jumeaux se charger du son. Petite, n'hésite pas, besoin d'invitation. La suite, très vite, on oublie toute inhibition. Des cuites, y'a plus de limites, ça se passe en pression. Ça glisse en discussion, laisse donc aller tes pulsions. Scrape, pour la mif et les mioches. Scrape, pas moyen de louper le coche. Scrape, dans la difficulté, on s'accroche. Dans nos lives, c'est ce qui nous rapproche. De l'Afrique au Porsche, on reste scrape. Quand on n'a pas de fric en poche, on reste scrape. De balles ricochées, c'est la merde. Merde, seuls survivront les plus hauches et les plus scrape. J'ai l'attitude qu'il faut, tout se passe en sens. Que personne ne pose de questions. Parce que certaines choses doivent se faire discrètement. Sans soupçon. Discrètement. Sans soupçon. Chut, je te prends pas pour une. Mais ne te prends pas pour une. Ce son là ne permet pas qu'on discute. La nuit est encore longue et je te propose qu'on la débute. La musique couvre chuchotement et autre élan. À quoi tu penses quand tu danses? Il y a d'autres terrains que sur le dance floor où ça s'agite. Où l'obscurité masque les délits de fuite et autres trafics. Mais cela ne s'explique pas, ça se vit. Comme se comprendre sans mots n'a pas de prix. On a la plus grosse table au carré VIP. Ça commence flow et mon flow embrasse la partie. Si le silence pèse, ceux qui se taisent tirent avantage de la situation. Si le silence te pèse, mets-toi à l'aise, laisse les jumeaux se charger du son. J'ai l'attitude qu'il faut, tout se passe en sens. Personne ne pose de questions, parce que certaines choses doivent se faire.